Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la peur. Publish or perish. Mobbing, ranking et omerta. Ma carrière allait de toute façon être bousillée si je disais quoi que ce soit. Une unie désunie. Et au moment où j'ai eu un entretien, on m'a demandé quelles étaient mes recherches. C'est une guerre aimable. Un des deux qui m'a dit ce que vous faites, c'est de la merde. Donc tout le monde sait qu'on doit travailler à plein temps, mais tout le monde ne paye pas ses employés à plein temps. Le peuple lettré est dominé par l'envie. Vous ne pouvez pas prétendre à un projet de ce type parce que vous n'avez pas assez de publications. Parce qu'en même temps, ben, si on dénonçait, c'était tellement facile de se faire gicler, donc on accepte énormément de choses. On a énormément de cas qui passent sous le radar parce que ça arrange aussi les institutions d'avoir un radar peu performant. Nouvel entretien auprès de Françoise Vaquet qui a écrit au CNRS Éditions une histoire émotionnelle du savoir, un ouvrage que je recommande vivement et que nous découvrons avec une émotion que l'on retrouve parmi toutes les autres, la peur. On a évidemment parlé dans cette histoire émotionnelle du savoir avec Françoise Vaquet au cours des derniers entretiens de ce sentiment-là qui n'est sans doute pas le seul et unique sentiment qui soit caché, dissimulé par les chercheurs. Bien d'autres sentiments le sont aussi, tels la joie, l'enthousiasme, la jalousie, etc., etc. Au fond, toute la palette, puisqu'après tout, la recherche, comme aurait dit Shakespeare, c'est tout un monde, hein, de même manière que le théâtre. Alors vous nous avez mis un peu sur la voie, Françoise Vaquet, dès le début, en disant l'origine un peu de cette disparition de l'affect qui existait et était bel et bien présent auparavant. Intéressons-nous encore à aujourd'hui. Diriez-vous qu'en 2020... au travers d'ouvrages comme le vôtre, au travers d'un autre ouvrage qu'on a mentionné également, Le monde vécu des universitaires de Laurence Viry, paru aux presses universitaires de Rennes, et peut-être également d'autres ouvrages, cette dimension-là a été prise en compte. Il y a des brèches dans la muraille. Ce n'est qu'un moment qui remonte à la fin du 19e siècle et court encore jusqu'au début du 21e, mais que ça pourrait bien bouger. Ne serait-ce que parce que, on le voit bien, on est dans un monde en ce moment de stupeur et tremblement, comme dirait l'autre. Si l'on regarde les choses telles qu'elles se passent actuellement, on constate, en particulier dans le monde, disons, des sciences dures, qui est quand même, c'est la majorité des disciplines de recherche, les choses ne changent pas. Par exemple, l'article continue à être écrit, suivant toujours le même format. Et même, on constate dans les consignes qui sont données aux éditeurs, une sévérité, si j'ose dire, la mise en place de normes encore plus strictes pour brider tout ce qui pourrait être la subjectivité que pourrait par exemple apporter l'informatique. C'est-à-dire, on pourrait très bien customiser davantage les articles, introduire plus d'éléments, certains éléments visuels, etc. Mais les chercheurs le font très très peu pour en rester à cette vision finalement relativement impersonnelle des articles de recherche scientifique. Et les éditeurs y veillent grandement. Si vous voulez, l'article scientifique reste un article extrêmement normé. L'article est un véritable aussi système de lecture. Le titre est construit d'une certaine façon, le résumé est construit d'une certaine façon obligée, les mots-clés constituent d'une certaine façon, ce qui fait que le lecteur qui va sur une base de données, immédiatement, il écrème très facilement les choses, si vous voulez, c'est comme ça. Et l'écriture est normée, reste une écriture impersonnelle. C'est pas « je fais la science », c'est la science qui se fait elle-même. Et donc, ça s'est mondialisé. Ça s'est absolument mondialisé. On écrit de la même façon en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France. Puis on écrit tous en anglais. Ils écrivent tous en anglais. Et dans un anglais qui est un anglais scientifique et un anglais très impersonnel. Le globiche, le fameux globiche. En ce qui concerne disciplines des sciences dites molles, c'est peut-être dans les domaines, donc, les études qualitatives de sociologie ou d'ethnologie que là, on commence à avoir un peu plus, disons, une présence du sujet. Cela s'est traduit il y a quelques années, par exemple dans le domaine de l'anthropologie. L'ouvrage scientifique d'anthropologie était un ouvrage extrêmement scientifique, suivant les critères de la discipline, du métier. Donc, mais souvent dans des préfaces, ou bien dans des ouvrages parallèles, des ethnologues, des anthropologues parlaient aussi de leurs impressions sur le terrain. Et je vais prendre, si vous le permettez, deux exemples. Philippe Descola, qui était professeur au Collège de France, a fait une thèse sur tribus indiennes d'Amazonie sur lesquelles il a travaillé, une thèse qui vraiment respecte les règles du métier. Par contre, dans la collection Terre humaine, qui est une collection destinée à un public plus large, un public cultivé mais plus large, il a publié un volume qui s'appelle Les lances du crépuscule, qui reprend bien des thèmes de sa recherche sur le terrain, mais en l'assortissant de réflexions personnelles. Donc là, il y a un ouvrage parallèle, en quelque sorte, par rapport à l'ouvrage scientifique, un ouvrage parallèle où il y a le moi qui apparaît, le moi du chercheur. Mais alors, il y a un ouvrage beaucoup plus intéressant qui a été écrit par un autre anthropologue qui s'appelait Michel Perrin, qui s'appelle Les passeurs de rêves, et qui était un ouvrage qui portait sur le chamanisme dans des tribus qui se trouvaient dans les régions du Venezuela et de la Colombie, par là. Michel Perrin, dans cet ouvrage absolument scientifique, a procédé de la façon suivante. Tout ce qui est la partie scientifique de l'ouvrage est imprimé en caractère romain. Tout ce qui est la partie personnelle, le journal de terrain, les impressions du chercheur, sont imprimées en italique. Donc là, on a... Physiquement, dans, ouais, oui, visuellement. C'est prodigieusement intéressant à voir, fascinant, car on voit vraiment la personnalité, le moi de chercheur et le moi personnel, si on peut cliver autant les choses. Françoise Vaquet, dans votre ouvrage, ou peut-être par ailleurs, l'ouvrage, je le rappelle, étant intitulé « Une histoire émotionnelle du savoir » paru aux éditions du CNRS, vous vous êtes penché, plus que penché, vous avez étudié de près, on pourrait dire d'une manière générale, les non-dits de la recherche. Oui. La partie dans l'angle mort. Il m'apparaît, au travers du grand nombre de chercheurs que je rencontre, que je lis, qu'il y a des modes dans la recherche, oui. Qu'il y a à un moment des termes, des terminologies qui reviennent un peu en boucle, dont on sent qu'y avoir recours, c'est s'inscrire dans la mode du moment. Et que ce soit le domaine de la recherche ou un autre, dans tout milieu humain, il y a d'impétrants misanthropes, masculins ou féminins, qui se refusent ouvertement à s'inscrire dans ces courants et dans ces modes, et doivent se débrouiller avec leur propre robinsonnade. Alors, est-ce que ça a fait partie des choses que vous avez étudiées? Parce que forcément, ne pas vouloir se plier aux modes, garder pour soi ses projets, mais devoir les enterrer parce que c'est pas le moment, c'est pas l'air du temps, ça ne peut que provoquer un certain nombre, on va dire, d'aigreurs. Ça peut provoquer des aigreurs, vous avez tout à fait raison, mais ça peut aussi, la marginalité peut être aussi une source d'abord de distinction et d'excitation. Les phénomènes de mode, suivre une mode, c'est aussi avoir le sentiment de participer, d'être membre d'une élite, de faire partie des pionniers en quelque sorte. Hein. Et il y a aussi là un phénomène d'excitation. Mais il faut penser que cela était déjà... ordinaire. Ça se trouve déjà au XVIIIe siècle. Mais on parle au XVIIIe siècle de chercheurs qui veulent écrire sur des sujets à la mode et on a pointé ce que l'on a... Là, on écrit encore en latin, c'est le début du 18e. Il y a quelqu'un qui dénonce cette fureur donc d'écrire sur des sujets à la mode pour des historiens, des théologiens, etc. Et il parle de, en latin, de l'alamodalitas scribendi, le fait d'écrire à la mode. Donc ça, ce sont des phénomènes qui existent et qui sont chargés d'affect, d'émotion, et aussi la différence par rapport aux autres, en plus, en moins, etc. Cela s'est vu très bien dans les années 70-80 avec des recherches, les premières recherches avec les ordinateurs. Quand les ordinateurs, je ne parle pas des scientifiques, des mathématiciens qui utilisaient les ordinateurs pour des calculs, mais quand des chercheurs, en particulier en histoire, faisant de l'histoire, disons, quantitative, c'est le grand moment de l'histoire quantitative en France, se sont mis à utiliser l'ordinateur. Et là, il y avait chez ces gens-là le sentiment d'être dans la révolution informatique, d'être pionnier, un certain, je dirais pas mépris quand même, faut pas exagérer, mais moindre considération. Pour les petites fiches cartonnées. Oui, pour les petites fiches cartonnées, le plaisir de dérouler devant eux ces énormes listings, vous savez, pliées par avant, etc. Le sentiment d'être à la pointe, ça c'était très net. Françoise Vaquet, il y a un terme qu'on n'a pas encore employé, mais qui est facilement déployable dans bien des directions, c'est celui des inégalités, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient économiques, sociales. Le terrain des inégalités, on le sait par ailleurs dans la rue assez souvent, provoque quand même un certain nombre de réactions. Quand elles sont collectives, ça peut s'appeler des manifestations, des grèves et des choses comme ça. Dans le domaine de la recherche, comment ça se traduit? Parce qu'il n'y a pas de raison que la recherche échappe, elle aussi, à l'inégalité. Elle la reproduit. Oui. Il y a une inégalité sur laquelle je me suis un peu attardée, qui a été l'inégalité homme-femme. Le monde de la recherche, comme le monde de l'enseignement supérieur, ce sont des mondes qui ont longtemps été des mondes masculins. Et la recherche elle-même se définissant comme, parce qu'héroïque, comme nous l'avons dit, se définissant comme quelque chose de masculin. Par exemple, la recherche sur le terrain pour les femmes, et les femmes surtout dirigeant des recherches de terrain, dans le domaine de la géographie, de l'anthropologie, de l'archéologie, plus que de l'anthropologie d'ailleurs, a été quelque chose d'assez tardif finalement. Ne parlons pas non plus de ce fameux plafond de verre qui, dans l'université, a pendant longtemps cantonné les femmes, pourtant des femmes diplômées, à des postes moindres. Et encore, en France du moins, au niveau professoral, l'égalité n'est pas atteinte. Cela, les recherches sociologiques le constatent amplement. Moi, ce qui m'a intéressé dans mon livre, c'est de voir quel était le ressenti de personnes qui étaient en quelque sorte, je ne dirais pas quand même ségrégées, il ne faut peut-être pas trop exagérer, mais enfin, étaient quand même tenues un peu en marge ou progressaient moins fort. Eh bien, là, il y a finalement relativement peu de témoignages, peut-être parce que les enquêtes ne sont pas portées dans cette direction-là, de percevoir le ressenti de ces personnes, ou bien parce qu'il faudrait peut-être que je fasse peut-être moi-même cette enquête. Mais on sent qu'il y a quand même souvent une certaine, au moins, amertume, plus exactement avec le souci de devoir faire plus pour peut-être avoir moins. Et ce travail, on va le continuer, on va le poursuivre, nous, Françoise Vaquet, puisque j'ai demandé à un certain nombre de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses de témoigner anonymement autour de ce sujet, autour du thème de la peur. C'est au travers de lectures ou d'interprétations données par des comédiens que nous pourrons entendre ces témoignages. Merci en tout cas de votre venue au micro d'Histoire Vivante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire émotionnelle du savoir. C'est paru au CNRS Édition. Je vous remercie. Je suis, enfin, j'étais universitaire. Je suis sortie de l'académie il y a 2 ans maintenant, gentiment. J'ai fait un diplôme universitaire qui a été couronné de 2 prix académiques. Je suis sortie de l'université avec 5,8 de moyenne générale sur un cursus complet, sur l'entièreté de mes études, sur un maximum de 6. C'était dans quel domaine ? En géologie. Géologie structurale, spécialité. J'ai reçu 3 prix académiques sur ma thèse, donc elle a été reconnue par 3. Donc, a priori, une carrière s'ouvre devant vous. A priori. Alors, c'est comme ça que vous le vivez, vous Ben moi, j'étais contente de recevoir ces prix. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des enfants à côté, enfin... C'était beaucoup d'investissements personnels sur ma vie. Alors, j'ai commencé ma thèse à l'âge de 30 ans. J'ai commencé mon doctorat enceinte. J'ai eu un directeur de thèse qui était très ouvert et qui a dit « Bah vas-y, si t'es convaincu, tu sais le faire, on y va !» Donc j'ai commencé ma thèse à 3 mois de grossesse. Et j'ai eu un enfant. Et 4 ans plus tard, j'ai eu un 2e enfant. Et j'ai écrit mon doctorat et le projet de post-doctorat pendant la première année de vie de mon 2e enfant, à la maison, presque 100% de nuit, de jour, entre 2 allaitements, enfin, vous voyez quoi. Alors, résumons-nous. Vous avez eu ces 3 prix. Là, il y a de quoi être résolument, voire particulièrement optimiste. Ouais. Disons, on se dit que on a fait du bon travail. Ça sanctionne le travail passé. Voilà. Après, le cas particulier chez moi, c'était beaucoup de travail appliqué. Ah, attendez, précisez-moi ça. Je comprends pas forcément, là. J'ai travaillé. Ma thèse a été financée par du privé. Par le secteur privé. Ce qui fait que la motivation première n'était pas effectivement d'avoir des papiers scientifiques. Ils avaient envie d'avoir un rapport technique sur les questions posées. Ma thèse, c'était de faire une analyse du risque sismique sur la centrale de Mühlberg, la centrale nucléaire. Ils voulaient construire de nouveaux réacteurs, donc c'était dans le cadre de la politique énergétique suisse. Ce qui fait que j'étais dans un doctorat où, une fois par année, j'avais les gens de l'inspectorat nucléaire qui venait vérifier que j'avais bien travaillé, que ça avançait et qu'on avait des résultats des gens de la NAGRA. C'est l'organisme qui s'occupe du stockage des déchets nucléaires en couche profonde. C'était une thèse qui était très appliquée. Il y avait un but clair derrière qui n'était pas forcément la recherche pour le plaisir. À la fin du travail, on voulait savoir si, oui ou non, c'était raisonnable de poser un nouveau réacteur à cet endroit-là. Ah, moi, ce qui m'étonne, mais c'est peut-être tout à fait normal, c'est que vous êtes encore en état d'étude et qu'on vous confie une telle mission. Bah, en doctorat, on a un master. On est diplômé. Donc, on est déjà qualifié. Et après, ça fait partie d'un consortium d'études, c'est un peu une partie du paquet final. La responsabilité ne tient pas sur mes petites épaules. Ça faisait partie du paquet complet qui devait être livré pour décider est-ce qu'on construit un nouveau réacteur. Ce qui fait que l'intérêt des personnes qui ont financé la thèse, c'était d'avoir un rapport technique à la fin. Un doctorat pour faire carrière dans l'académie, ben, il faut écrire des articles scientifiques. En tout cas, en science, ça se passe comme ça. Il faut publier. Pour tout le monde, pas seulement la science. C'est un mouvement que je déplore. On arrive à quelque chose où les gens publient pour publier. Ils vont saucissonner les histoires pour faire plusieurs articles, parce que ça va compter plusieurs fois, et ça, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout, et que je n'ai pas fait. Alors, est-ce que vous auriez pu le faire quand même ? Ou alors est-ce que vous étiez tenu à une certaine réserve en fonction de ce sur quoi vous travaillez ? J'aurais pu parce que j'avais mon co-directeur de thèse qui insistait pour que je le fasse. Parce qu'il disait, si elle n'a pas de papier, elle n'ira pas plus loin. Bon. Mais mon directeur de thèse a insisté pour que je ne le fasse pas. Il a dit, mais il faut rester intègre. Et là, ce qu'on nous demande, c'est un papier. Et on n'a pas besoin d'inventer de la recherche scientifique, juste pour faire plaisir au système. Et je ne regrette pas mes choix. J'ai écrit 2 articles sur ma thèse, après ma thèse. Donc, j'ai pris le temps de le faire, mais c'était trop tard. Qu'est-ce qui se passe, puisque tout a l'air d'aller bien, hein, finalement, sauf les publications qui mettent leur temps? Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti? On m'a sorti. Ah. Le système m'a sorti. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en post-doctorat. Donc jusque-là, ça s'est très bien passé. Et je dirais que pour obtenir la bourse de post-doctorat, c'est allé assez facilement. Je n'avais pas encore mon doctorat. J'ai déposé un petit projet que j'ai pris 6 semaines à écrire. C'était toujours pendant mon congé de maternité. J'ai déposé, voilà. J'ai dit voilà, la fin de ma thèse. Mon professeur a écrit une lettre comme quoi elle est brillante, je la supporte, j'ai confiance, elle finira sa thèse, donc je supporte le fait qu'elle ait ce projet. Donc j'ai obtenu la bourse et c'est là que ça s'est compliqué. Je suis une tête de mule, donc ce qui faisait partie de mon projet, c'était l'acquisition de données. Donc il m'a fallu beaucoup de temps dans les 18 mois qui m'étaient impartis, le financement, pour avoir des nouvelles données. Je suis allé sur des glissements de terrain, j'ai posé des instruments, donc j'ai trouvé des gens qui travaillaient avec moi pour avoir d'autres méthodes de mesure. Donc moi je m'occupais de la sismologie, des sismomètres. Mais après, on a posé, on est allé sur des coulées de boue où il y avait plein d'autres instrumentations déployées pour essayer de combiner toutes les méthodes de mesure, avoir une image complète. Mais ça a pris beaucoup de temps. Après, il y a un autre aspect, c'est qu'avec 2 enfants, un mari à l'étranger, trouver les structures d'accueil, la crèche, l'école de langue étrangère, il y a une réalité là qui fait que ça prend un peu plus de temps. J'ai utilisé une partie de cette période de post-doctorat pour écrire mes articles de thèse, donc rattraper ce manque à gagner. Mais j'avais 3 prix académiques, donc j'ai dit « ça va, ça va ». Et donc au moment où ça a été le temps de soumettre une prolongation de financement, c'est là que ça a commencé. C'est là où, typiquement, la première demande, elle m'est revenue en boomerang. Liste de publications insuffisante. Vous ne pouvez pas prétendre à un projet de ce type parce que vous n'avez pas assez de publications. Bon, alors là, j'aimerais qu'on s'arrête là. C'est évidemment pas issu d'une rencontre. Ça, une rencontre où la discussion se fait les yeux dans les yeux, par mail ou par courrier ou que sais-je. Pas de contact humain, donc. Hein. C'est quelque chose qui tombe d'on ne sait où. C'est un tunnel. Par contre, ce sont des commissions de recherche. Enfin, je veux dire, on est en Suisse. La Suisse est un petit pays. Je pense que les domaines de recherche sont assez condensés. Et alors, oui, il y a de la demande, c'est sûr, il faut supplier. Mais c'est impossible. Impossible que les gens qui sont dans les commissions ont forcément le moyen d'aller questionner à gauche, à droite, sur les qualités X ou Y. Traduction donc, on pouvait connaître votre profil et votre parcours. Oui. Après, ma 2e demande, elle a été refusée exactement pour les mêmes termes. Vous n'avez pas assez de publications. Alors que, entre la 1re et la 2e, j'avais 2 papiers de plus. Et 1 prix de plus. J'étais passé de 2 prix sur la thèse à 3 prix. Et puis j'avais déposé des papiers. Alors, est-ce qu'au moment où vous recevez cette 2e réponse, vous imaginez encore des issues et des rebondissements possibles? Non. Je pense que ça a été le signal que je ne peux pas faire partie d'un système qui fonctionne comme ça. J'ai dit, ok, je baisse les bras. Parce que, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Enfin, ma vie vaut mieux que d'aller m'agenouiller dans des commissions de professeurs X ou Y qui décident sur un oui ou sur un non et qui sont tellement, tellement dans ce modèle. Je trouve que, en fait, la recherche perd de sa beauté. En fait, ça devient une machine à marketing. Personne ne lit un article scientifique. Personne. On lit le résumé et la conclusion. Ce qu'il y a au milieu, on s'en fiche. De poser cette question, bon, en général même je la pose jamais, mais là elle me semble absolument légitime. Qui est responsable ? Les scientifiques. On alimente un système que je pense beaucoup d'entre nous critiquent, mais on continue de l'alimenter. J'entends bien, mais ce ne sont pas les scientifiques qui l'ont créé, ce système. Ils le subissent. Je suis pas sûre que ce ne sont pas les scientifiques qui l'ont créé. Ce système de revue, à la base, la révision par les pairs, le concept est bien. De mettre des experts du même milieu qui donnent leur avis, ouvrir une discussion. Est-ce qu'on pense que c'est crédible, pas crédible ? Alors, est-ce que pour le dire autrement, ce système, apparemment uniforme, hein, quelles que soient les disciplines d'ailleurs, pourrait très bien fonctionner et fonctionne peut-être très bien pour certains cas ? Mais pour d'autres types de disciplines, il n'est absolument pas adapté. Moi, je pense qu'il pourrait très bien fonctionner dans le cas où on ne doit pas produire X papiers par année. Il pourrait fonctionner s'il y avait moins à relire et si les gens avaient le temps, prenaient le temps de faire un travail complet dans lequel il y a tout et que du coup les gens en face, ou la communauté en face qui est spécialisée là-dedans, eh bien, il n'y a pas 50 ou 150 ou 250 000 papiers à relire, juste quelques-uns. Là, on a le temps. Donc, le cœur du problème, c'est les publications. Moi, je pense qu'il y en a trop. Le thème de la peur devait être au cœur de la nouvelle édition des rencontres Histoire et Cité, organisée par la Maison de l'Histoire Université de Genève, événement malheureusement annulé pour les raisons que l'on sait. Demain, suite de notre thématique avec d'autres témoignages et l'apport d'un homme qui connaît bien, comme modérateur, cette problématique des tensions à l'intérieur des universités, nous recevrons Marc Dupuis. Une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.